ça te ramène quoi? De rapper, de taguer, de breaker dans les halls, de fumer pour pas craquer. Derrière ils se sauvent, c'est la peur de l'avenir. Si la dernière ils se souffrent, j'serai un des seuls à tenir. Tu veux le pouvoir, pour ça tu ferais n'importe quoi. Tu te fous de la gueule du monde, mais franchement regarde en bas, te plains pas. Si tu vois les jeunes se battre pour des clopinettes, ça recoutit moi quand les ch'tards en trottinette. On avance malgré les bâtons dans les roues, les mains dans la rouille. Rouillard, on attend, pas on se débrouille. Écroué par une justice tordue, tous écroulés. Y'en a même qui se torturent. Alors, ça te ramène quoi? Pas grand chose en fin de compte quand ma paye chaque mois. Sors la tête de l'eau, vas-y marche à tête haute. Tu ta route, pas de travers, sans écart, y'a pas de honte. On est pas skak, la balle d'avis, on doit se battre à vie. Là c'est la rime qui casse ta vie, KF9 4 à pli. On perd pas tant, on sait très bien que ça se gâtera vite. Ça te ramène quoi? Parler de ce que nos 4 à pli. Franchement ça choque, si on galère, tu seras peut-être ravi. Ce que ça te ramène, des batteurs, c'est juste 4 à vie. Je te le répète, on perd pas tant, on sait que ça se gâtera vite. Discret, ça te ramène quoi? Parler de ce que nos 4 à pli. J'irai pas le passé, déjà un cancre à la garderie. J'oublierai pas les bons moments, surtout les nombreuses barderies. Ça te rapporte quoi? Ça te rapporte quoi? De venir porter plainte, consciemment de pas confier les faits. J't'en apporte au plein, j'apporte le thème de façon humble, j'suis pas démago. Eh hey, les gars, j'crois que c'est le moment que vous combattiez ma cause. D.A.R, c'est mon blaze, dis-moi où ça t'amène tout ça. Quartier fédéral 9-4, cousin, on est tous là encore une fois. Ça te rapporte quoi de jouer les misogynes? Balancer la rose d'un mec quand t'es misogyne. J'analyse tous mes potes et tous mes pas dramatiques, dis-moi. Ça te sert à quoi de squatter dans tous les bars? Ça te rapporte quoi? Du carburé aux extasies pendant que je fais mon dièse. Toi t'es une loque, tu restes assis. Dis-moi où ça t'amène de jouer les durs, alors qu'au fond t'es un mec calme, On n'est pas skak, la balle d'avis, on doit se battre à vie. Là c'est la rime qui casse ta vie, KF9 4 à pli. On perd pas tant, on sait très bien que ça se gâtera vite. Ça te ramène quoi? Parler de ce que nos 4 à pli. Franchement ça choque, si on galère, tu seras peut-être ravi. Ce que ça te ramène, des batteurs, c'est juste 4 à vie. Je te le répète, on perd pas tant, on sait que ça se gâtera vite. Discret, ça te ramène quoi de parler de ce que nos 4 à pli. L'argent c'est mal du monde, ça c'est la merde, personne n'y échappera, même toi. Le mec qui dit qui braque a fait du bif et de ça te ramène quoi? C'est comme de finir au star pour une histoire de poste de radio. C'est qui tabasse le gars, il sera de fesses, la sauce sera d'autres. Un peu dégage ton finir au reps. Mais comment dire mes skins, nos frères à cheval entre deux mondes, ils se déchraquent et devenus schizophrènes. Tir au frais, t'es ma, même pas très spi, j'ai cache donné. Ici on sait ce qui fait fuir les livres. Si string est à ce qu'on est, la run trash, 3 ans du mal, son fils rose. Conseilleur du jugement, ça c'est clair, ça reste pépère, sort par son fiche rose. Où c'est bistrot, où tu passes ton temps à voler des 16, sonner des 7, heures du matin, au lieu d'un taf et tu voulais des 16. Ça te ramène quand tu dis dur, l'itinéraire de la gamme et la route à déçu. Cherche ce mec à les mêmes reins. On n'est pas skak, la balle d'avis, on doit se battre à vie. Là c'est la rime qui casse ta vie, KF9 4 à pli. On perd pas tant, on sait très bien que ça se gâtera vite. Ça te ramène quoi? Parler de ce que nos 4 à pli. Franchement ça choque, si on galère, tu seras peut-être ravi. Ce que ça te ramène, des batteurs, c'est juste 4 à vie. Je te le répète, on perd pas tant, on sait que ça se gâtera vite. Discret, ça te ramène quoi? Parler de ce que nos 4 à pli. Hey, ça te ramène quoi? Rien de plaît, autour de toi c'est sûr, te plains pas. Certains crèvent pour un bout de 3 blessures. L'esprit certes, mais on restera pas les bras croisés. Comprends qu'ici, on laissera pas les petits qui braquosés. Ça te ramène quoi, chic? Et pas toi pour les stars. Nous on tourne sur les tables, la tête au-dessous les stalles. L'état s'élève, taxe, métal se lève. Évite la sellette, court quand le métal s'élève. Ça te ramène quoi, traquer, des gosses les toucher. Comme dit Nercap, une vie vaut pas 12G. Votre en G7, du moins être en G7. Tous les essais, pack sur l'écran UGC. Ça te ramène quoi, demanda Flef qui se bastonnait, crois pas. Dès le premier cri, le passe t'en est. On sait qu'ici, on fera tout afin de puiser ce talent. Je laisserai pas de traces, pas de velours, ni bruiser talons. On n'est pas skak, la balle d'avis, on doit se battre à vie. Là c'est la rime qui casse ta vie, KF9 4 à pli. On perd pas tant, on sait très bien que ça se gâtera vite. Ça te ramène quoi, parler de ce que nos 4 à pli. Si on galère, tu seras peut-être ravi. Ce que ça te ramène, des batteurs, c'est juste 4 à vie. Je te le répète, on perd pas tant, on sait que ça se gâtera vite. Discret, ça te ramène quoi, de parler de ce que nos 4 à pli.